tombe au bord du camp. La fatigue parle avant la foi. On se souvient des saveurs d'hier en oubliant pourquoi on est là. La manne tombe chaque matin, mais le cœur se lasse vite du don. Ce qui venait du ciel devient banal quand le désir change de direction. Et même dans nos murmures, tu continues d'écouter. Quand la plainte monte, tu restes le Dieu patient. Tu entends nos voix tremblantes et tu parles encore au vent. Quand la plaie te monte, tu ne romps pas ton alliance. Même au milieu de nos doutes, tu poursuis ta présence. Moïse s'effondre sous le poids, tu partages la charge avec d'autres. Ton esprit se répand sur 70 pour que le fardeau ne détruise pas l'homme. La viande devient débordement, le désir sans frein devient piège. Et au milieu de la satisfaction, l'âme apprend le prix de l'excès.